Les éditions de l'avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 1. Deux semaines auparavant, le 24 novembre 2360, à Terrania, dans le quartier édénique d'Atlan Village. Le Lord Amiral, en compagnie d'Homer G. Adams et de Julian Tiffler, attendait dans son bureau la venue de son visiteur, Marcus Erlan, envoyé plénipotentiaire du gouvernement de Zalit. Lors du démembrement de l'Empire, les Zalitains étaient restés parmi les rares alliés des Terraniens et à présent, ils faisaient figure de partenaires privilégiés. C'est pourquoi, en l'absence de Perry Rodden, parti se détendre quelques jours en compagnie de son épouse Moria Bro, Atlan avait voulu donner un certain faste à cette visite, durant laquelle devaient être discutés des intérêts commerciaux importants. Adams venait de dire « Je me réjouis de revoir Marcus. À chacune de nos rencontres, nous avons eu des discussions très constructives sur l'économie. » Sacré Homer, il y a bien que le mot « économie » dans sa vie. Un sourire apparut sur les lèvres de l'Arconide. Au même moment, un appel arriva sur le visiophone que le maître de maison activa d'un geste. Le visage bouleversé d'un colonel de la sécurité apparut. « Lord Amiral, l'ambassadeur Erland vient d'être assassiné. » Une triple exclamation de stupéfaction incrédule retentit. « Quoi ?»« Le glisseur ambassadeur a été frappé par un missile et il a explosé en vol. »« Les auteurs ?»« La balistique est en cours. Dès que nous saurons d'où est parti le coup, nous interrogerons tous les gens présents dans le périmètre déterminé. »« Et il n'y aura plus personne, comme d'habitude. »« Merci, Saknet. » « Rappelez-moi dès que vous aurez du nouveau. » Atlan hocha la tête et coupa la communication. L'écran s'obscurcit et Homer G. Adams murmura d'un ton accablé « Encore un coup de l'Aspar. » « Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent ces bandits ?»« Tout simplement nous déstabiliser en décimant les plus hautes autorités de l'Empire. Si cela continue, ils vont parvenir à leur fin. » En moins d'un mois, ça fait le cinquième personnage important qu'ils font disparaître. Oui, et nous n'avons toujours pas le moindre indice quant à leur identité. Je suis content que Perry soit éloigné pour quelque temps, car ils ne vont pas tarder à s'attaquer directement à la tête. Soyez donc sur vos gardes, mes amis. Les activateurs cellulaires ne protègent pas des tirs de radian. Comme Atlan disait ces mots, la baie vitrée, pourtant blindée, vola en éclats. Et un objet oblong roula dans la pièce. Jurant abominablement, Tiffler plongea en avant, récupéra l'engin de mort alors qu'il rebondissait sur le sol de chêne marqueté et, avec un... le réexpédia vers l'extérieur. Une explosion gigantesque secoua les fondations de l'immeuble, suivie d'un instant de silence absolu. Silence vite couvert par des cris en provenance de la rue. Adams repoussa machinalement du pied les éclats de plastron vert et passa une main un peu tremblante dans ses cheveux blonds clairsemés, sa gibbosité plus apparente que d'ordinaire. « Tu as encore de sacrés réflexes, Tiff. »« Ouais, pas mal pour son âge. » approuva l'Arconide d'une voix grinçante tout en époustant les débris de vitres qui parsemaient son uniforme noir. Mais Julian ne répondit pas à ses amis, murmurant d'un ton horrifié « J'ai sauvé nos vies, mais détruit celles de pauvres gens qui circulaient sous nos fenêtres. » Atlan ouvrait la bouche pour lui répondre lorsque le visiophone sonna. Le visage d'Alan D. Merkent apparut sur l'écran. « Je viens d'apprendre l'assassinat de Marcos Erlan. Sans le moindre doute, il s'agit encore et toujours de l'Aspar. » « Bonjour, Alan. » Toujours au courant dès qu'il se passe quelque chose. Mes services sont efficaces. Pas suffisamment cependant pour savoir que nous venons d'échapper à un attentat. Quoi ? Le visage du responsable de la défense solaire, bouche bée, aurait prêté à rire si la situation n'avait pas été si grave. En quelques mots, Atlan lui expliqua ce qui venait de se passer. Merkent hocha la tête, accablé. Pourtant, tous mes meilleurs agents sont sur le coup et peu de choses leur échappent. C'est vrai. Vos hommes font pour le mieux, mais ils ne détiennent toujours pas le moindre indice sur l'Aspar. Le visage de Merkent se crispa de contrariété. Il dut faire un effort sur lui-même pour répondre sereinement. C'est exact. Mais aujourd'hui, grâce à Laurie Martin, qui se trouvait dans le secteur d'où est parti le tir de missile, nous allons pouvoir capturer le ou les responsables de l'attentat. Ensuite, notre télépathe extraira de leur cerveau tout ce qu'ils possèdent comme renseignement sur notre mystérieux ennemi. Parfait. Tenez-moi au courant de toutes les évolutions de cette affaire. Ayant éteint l'appareil, il s'approcha d'Adams et de Tiffler, qui étaient penchés à l'extérieur par-dessus les montants de la baie vitrée. Sous leurs yeux, les premiers robots médics venaient d'arriver pour s'occuper des victimes de la grenade à fragmentation qui avait explosé à hauteur d'homme, fauchant une centaine de passants innocents. Atlan posa une main compatissante sur l'épaule de Julian. Il ne faut pas culpabiliser. Je suis au moins autant que toi affecté par le drame qui vient de frapper ces malheureux. Et nous sommes en guerre, même si personne n'est encore au courant. Et ce genre d'horrible événement est par ailleurs monnaie courante. C'est possible, mais je m'y ferai jamais. À présent, le bureau du chef de l'OMU était envahi par une foule de gardes, de médecins et d'officiers. Tout ce petit monde s'agitait, ce qui énerva rapidement l'Arconide. Messieurs, je vous remercie de votre sollicitude, mais comme vous pouvez le constater, nous sommes sains et saufs. Je souhaiterais donc que vous quittiez tous cette pièce. Je ferai une déclaration dans l'amphithéâtre d'ici une demi-heure. Et j'aimerais que tous les officiers de sécurité qui se trouvent actuellement à Terrania puissent m'y rejoindre. Dorian, je vous charge de les prévenir. Termina-t-il en s'adressant à son aide de camp. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, le maître des lieux s'approcha d'une armoire dont il ouvrit un bâton. Il en serra trois verres et une bouteille pansue. Je crois qu'un vieux cognac ne pourra pas nous faire de mal. Allongé sur son lit, les mains croisées derrière la nuque, Atlan repassait les événements de la journée dans sa tête. Après sa réunion, il avait été informé que Laurie Martin avait bien réussi à découvrir les deux auteurs de l'attentat, mais dès qu'ils avaient été arrêtés, une mini-bombe implantée derrière le cervelet avait éclaté, leur pulvérisant le crâne. Une nouvelle piste qui tournait court. Ce satané Aspar avait décidément toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. L'Arconide vivait mal les événements tragiques qui se déroulaient depuis 5 semaines. Il avait beau faire travailler son cerveau second, il était toujours dans l'ignorance la plus totale en ce qui concernait l'Aspar. Pire encore, si ses mystérieux ennemis n'avaient pas poussé l'outrecuidance jusqu'à signer leur forfait, il aurait été jusqu'à ignorer leur nom. Et cet état de fait était une chose que l'immortel ne pouvait pas accepter. Pour la énième fois, il se repassa en mémoire les différentes étapes des exactions de l'organisation secrète qui pourrissait la vie des gouvernants de l'Empire en général, et la sienne en particulier. Cela avait commencé 5 semaines auparavant, exactement le 17 octobre, dans le système de Vega. Ce jour-là, le Sirtaki, une nef de la classe Terre, ramenait chez lui le général férolien Rastor Gacher, de retour d'une visite diplomatique auprès de Perry Rodden, avec qui il avait signé un accord d'assistance contre les Aconides qui cherchaient à s'implanter militairement dans la sphère d'influence de Ferrol. Au sortir de la zone de libération, le vaisseau et ses 400 hommes d'équipage l'avaient soudain vu surgir du néant deux bâtiments cylindriques d'un demi-kilomètre de long qui les avaient pris pour cible sans la moindre sommation. Touché dans ses œuvres vives avant d'avoir pu dresser son écran SH, le Sirtaki tenta bien de résister, mais une nouvelle salve accompagnant un ultimatum reçu sur l'hypercom, incita le commandant à obtempérer à la demande de reddition. Quelques minutes plus tard, une navette amenait jusqu'à l'entrée du SAS un commando de prise conduit par un acolyte hautain et méprisant. Derrière lui, quelques francs-passeurs, deux lourds et un anti enveloppé d'une cape blanche. Les assaillants pénétrèrent dans le vaisseau et leur chef, accompagné des lourds et du disciple de Baalol, se dirigea sans hésiter vers le poste central. Arrivé en présence du Major Ridinghouse, qui présidait aux destinées du Sirtaki, il exigea d'un ton sec, sans même se donner la peine de se présenter. « Vous avez 3 minutes pour faire venir ici le général Rajtor Gasher et ses conseillers. »« Je suis là. » Laconide se retourna et contempla le petit homme sec qui le regardait tranquillement, assis au fond de l'un des sièges contours. Après un court instant de silence, il répondit avec un sourire mauvais. « C'est parfait. Cela nous évitera des pertes de temps. Où sont vos conseillers ?»« Ils ne devraient pas tarder à se rendre à votre aimable invitation. » Ironie qui fit rougir de rage celui à qui elle s'adressait. Puis, une nouvelle grimace s'étira ses lèvres. « Profitez-en pour faire de l'humour. Vous n'en aurez plus longtemps l'occasion. » Lorsque tous les protagonistes du drame furent réunis, le chef des assaillants reprit. « Nous faisons partie de la SPAR. Notre société a déclaré la guerre à l'Empire solaire et à ses tristes alliés. C'est pourquoi nous allons exécuter les valets de cet intrigant de Rodan et ce maître de Mascaren, de Gonozal. » Et dans le même temps, il tira le radiant pendu à sa ceinture et le braqua sur le front du général. Un fin pinceau jaillit de l'arme et Rajtor Gasher, foudroyé, fut rejeté en arrière sur son siège. Un cri d'horreur s'échappa des lèvres des spectateurs, mais dans le même temps, les deux lourds utilisaient leur fusil thermique et transformaient en torches vivantes les 3 conseillers du général. Ivre de rage, Ridinghouse se jetait sur la conide, mais celui-ci s'attendait à une réaction violente et il l'abattit sans la moindre hésitation. Cet homme était un imbécile. Apprécia brièvement Lanty lorsque le major tomba au pied du natif du système bleu. Le pilote et l'officier des transmissions se redressèrent dans leur fauteuil, mais s'immobilisèrent en voyant les armes braquées sur eux. L'exécuteur des hautes œuvres de la SPAR les contempla un instant, comme s'il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire d'eux. Puis, l'ombre d'un rictus naquit sur ses lèvres, et il énonça d'un ton légèrement fatigué. Le grand nettoyage a commencé. Il ne s'arrêtera que lorsque tous nos adversaires auront été éliminés. Je compte sur vous pour faire passer le message. Sur ces paroles, le sinistre personnage et ses acolytes tournèrent les talons et quittèrent le poste de navigation. Après ce premier attentat sanglant, les experts s'étaient perdus en conjectures pour savoir comment les 2 vaisseaux ennemis avaient réussi à se trouver au contact du Sirtaki qui venait de quitter la zone de libération sans avoir été repérés. Ils en étaient arrivés à la seule conclusion possible. Les bâtiments de la SPAR possédaient un dispositif inconnu permettant de détecter une nef dans l'entre-espace, ce qui ne manquait pas d'être inquiétant dans l'optique du conflit qui se profilait à l'horizon. Tandis que son cerveau second continuait à se focaliser sur ce dernier point, Atlan poursuivit le cours de ses souvenirs. Le second fait d'armes de la SPAR avait été le plastiquage de la salle de réunion du Conseil des Sages, alors que celui-ci avait invité de nombreux représentants des mondes restés fidèles à l'Empire ou qui s'y étaient ralliés depuis qu'il avait repris son expansion. Il en avait résulté un carnage, puisque 117 des participants y avaient trouvé la mort, y compris le représentant du système de Kronos, venu sur Sol 3 pour négocier l'entrée de son peuple au sein de l'Empire. Et pour signature, une capsule de communication téléguidée était venue se poser sur les ruines du bâtiment et contenait une feuille de plastométal sur laquelle avaient été tracés les mots « avec les compliments de la SPAR ». Si la première attaque du mystérieux groupe avait amené peu de réactions de la part de l'opinion publique, car les médias ne l'avaient pas trop mise en valeur, ce deuxième forfait ne pouvait pas passer inaperçu et il avait révélé aux citoyens de l'Empire l'existence d'un ennemi implacable et inconnu. D'autant que quelques jours plus tard, c'est Atlan lui-même qui avait été pris pour cible alors qu'il se trouvait en compagnie de l'amiral Hermine Prodanclair, responsable de la flotte de l'EMU, basé dans le secteur occidental de la Voie lactée. S'il avait échappé au radiant du tireur, ce n'était malheureusement pas le cas de son visiteur, de son aide de camp et de l'un de ses gardes du corps qui avait succombé avant que le tueur ne soit abattu à son tour. Dans une de ses poches, on avait découvert une carte de visite de la Spar. Puis est intervenue l'explosion en vol du Phoenix, un vaisseau qui transportait des dirigeants Éconides venus signer des contrats commerciaux à Terrania. Une fois encore, un communiqué avec la signature de la sinistre organisation avait été envoyé aux médias, décrivant l'attaque et l'anéantissement de l'astronef et confirmant la déclaration de guerre à l'Empire et à ses dirigeants. La milice des mutants avait été mise à contribution pour tenter de démasquer ceux qui se cachaient derrière ce nom d'Aspar. Sans succès, jusqu'à présent, du moins jusqu'à l'attentat contre Marcus Erlan, au cours duquel la télépathe Laurie Martin avait eu la chance de se trouver à proximité des deux assassins et de pouvoir sonder leur esprit avant qu'ils ne soient suicidés. C'est pourquoi Atlan attendait impatiemment sa venue et celle d'Alan D. Merchant. Peut-être allait-il enfin en savoir un peu plus sur la mystérieuse organisation. Lorsque ces visiteurs le quittèrent, le Lord Amiral n'en savait guère plus qu'à leur arrivée. Les tueurs, examinés par la télépathe, semblaient n'être que des seconds couteaux qui n'auraient agi que pour le nombre impressionnant de solars qui leur avaient été promis en cas de réussite. Leur seul contact avec la Spar aurait consisté en un visiophone dont la fonction première, le visage du correspondant, avait été occultée. Mais la présence des mini-bombes démentait ces informations. De simples mercenaires n'avaient aucune raison d'en être dotés. Cela signifiait donc que ces hommes avaient subi un conditionnement psychique, les gratifiant de souvenirs factices, et que, par conséquent, ils étaient vraisemblablement des membres de l'organisation. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, la piste s'arrêtait avant d'avoir commencé. L'Arconide soupira avant de murmurer « Puisque c'est comme ça, on va le jouer à ma façon. » Les éditions de l'avenir vous ont présenté le chapitre 1 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar par André Bory. Les interprètes, Fred dans le rôle d'Atlan, Eric dans le rôle de Corlan, Gabriel Jean dans le rôle de Alan D. Merchant, Jay dans le rôle de Julian Tiffle, Christophe dans le rôle du général Rastogacher, Jean-Seb dans le rôle de Dorian Sachnet et Christian Martin dans les rôles de Homer G. Adams, Ralgo Taal et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.